Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musique expérimentale sur le 100 FM Radioactive. Ça commence immédiatement avec un concert de Johnny Saunders live au Max Kansas City, l'une des deux salles les plus mythiques du New York des années 70 avec le CBGB. Can't keep my cock in your face or mouth or whatever. Yeah, man. You can buy some more. Rest in peace. Kick over the table. Big kids all. I feel like I'm playing to Jerry Lewis's paraplegics, whatever the fuck they're called. Just next to the tune is called All By My Fucking Self. We picked them up this week. I don't wanna talk too much. I just wanna get to you. I don't wanna see you. I just wanna get to you. Now you're on my belt, you're lacking in my boots. Well,

This one's for Joe Obama. It's called London. Boom. Toujours sur le 100 FM radioactive, on continue en musique et en littérature avec des extraits des Homicide Special, polar réaliste sur la vie des policiers de Los Angeles, et avant c'est Cuttermouth avec Hit Machine. Les inspecteurs ont également interrogé un Russe du nom de Serge, dont le numéro de téléphone a été retrouvé dans l'appartement de Louda. Il affirme travailler dans une affaire de vente aux enchères de voitures, mais des inspecteurs de l'unité du crime organisé le soupçonnent d'appartenir à la mafia russe. Serge raconte qu'il a rencontré Louda dans un café lui aussi. Elle devrait figurer au panthéon des putes, a-t-il dit aux inspecteurs. C'était une info qui adorait son boulot et il prenait un tel pied tous les deux au lit, dit-il, qu'elle ne le laissait même plus payer. Coffee évoque ensuite un étudiant russe de 18 ans qui appelait Louda à son appartement à plusieurs reprises, jeudi dans l'après-midi, après que le cadavre eût été découvert. Au commissariat, l'étudiant a affirmé qu'il ne savait pas que Louda était morte. Il avait prévenu de l'emmener dans un parc d'attractions ce jour-là. Il expliqua l'avoir rencontrée au magasin de chaussures où il travaillait à mi-temps. Le samedi d'avant le meurtre, il était à la fête d'anniversaire de Louda dans une boîte russe de Studio City. We'll be right back.

Vers 17h, Knowles remercie l'équipe de North Hollywood pour son aide. Les inspecteurs retournent dans le centre-ville, chacun en volant de sa voiture. En se rapprochant de l'autoroute d'Hollywood, Knowles médite sur l'affaire. Il sait qu'il risque de passer des mois sur ce meurtre, voire des années, si la mafia russe est vraiment dans le coup. Il s'interroge. Comment le meurtrier est-il sorti de l'appartement ? L'appartement était-il sens dessus-dessous ? Les portes défoncées et les miroirs brisés ? Avait-on achevé la victime vite fait ? Autant de questions violentes auxquelles il n'aurait jamais été confronté s'il était resté au comptoir de son épicerie. Says as long as we're home by Saturday morning. Cause hey, we're the Bruins. Sports and anti wash the cat tattoos. We're the boys. The Orthodox and Cynic go to yours. Orthopedic. Martin's good for waffle making, kicking through the shin. Reputation gained through intimidation. Pacifism no longer tradition. Cause hey, we're the Bruins. Sports and anti swastika tattoos. We're the Bruins. The Fairfax ghetto boys, skinhead he brews. Sugar nuts. You can't lose the fight. And we are the chosen ones. Hood but driven. We battle then we feast. We celebrate. We'll separate our milk blades from our meat. It's not my fault again. 14 ans auparavant, Knowles avait été promu manager dans une chaîne de supermarchés. Son salaire était excellent et les primes attrayantes. Il avait une femme, deux enfants et une maison dans la vallée. Sa vie était toute tracée, pensait-il. Préparait Noël. Après le nouvel an, il passait les commandes pour la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, il s'occupait des marchandises pour Pâques. Après Pâques, il stockait déjà le charbon et le matériel pour les pique-niques de l'été. En août, rebelote et ainsi de suite chaque année. Oh, Mais un matin, peu après ses 30 ans, il décida qu'il ne pouvait absolument pas passer ses 30 prochaines années au service d'un supermarché. Son père avait travaillé pendant 40 ans chez Sears, d'abord à gérer un entrepôt, puis à vendre des pneus, mais lui voulait une autre vie. Intégrer la police l'avait toujours attiré, le métier lui semblait stimulant, propice à l'aventure. Cela faisait 10 ans qu'il songeait à abandonner son boulot pour postuler à la LAPD ou à un poste de shérif. Alors qu'il était sur le point de s'enchaîner au supermarché, Knowles comprit qu'il lui fallait agir vite. Il démissionna de son poste, accepta un travail pour lequel il serait payé 20 000 dollars de moins et intégra tardivement l'académie de la LAPD à l'âge de 30 ans. Down, I wanna got the fever out. Oh, doctor, come and get it. Doctor, come and get it. Doctor, come and get it. Come and get it, cause I'm feeling real good. Feeling real good. I said I gotta feel good. Feeling real good. All right. Oh, I'm feeling a little bit. Yeah, that's it. Yeah, if I could just get this guitar together. Yeah. Oh, I'm working good. So we're making women everywhere in my car. Cause I got to get them all to feel good. Knowles avait bien 10 ans de plus que la plupart des jeunes recrues et ne pouvait pas se permettre de croupir dans une voiture de patrouille. Grâce à sa maturité, à son dynamisme et à ses aptitudes, il avait rapidement gravi les échelons. En moins de 7 ans, il avait été promu inspecteur, se taillant une réputation d'enquêteur acharné et de talentueux interrogateur. C'était un candidat tout indiqué pour Homicide Special. Il y fut affecté en 1999 au cours du grand nettoyage qui suivit le procès O.J. Simpson. Talk to me sometime when your voice sounds more like mine. All shaky but I'm blurting. Everybody knows for certain that it's time to draw the curtain. On your knees and more scene. Don't get mad. Don't get upset. Happen yet. Talk to me sometimes. Noll sait parfaitement à quel point la vie est fragile et combien il est essentiel de ne pas reporter indéfiniment ses objectifs. À l'âge de 5 ans, on lui a diagnostiqué un cancer de la glande parotide. Il a subi de lourdes séances de radiation sous l'oreille gauche et il a fallu qu'un chirurgien lui retire une partie de la mâchoire dont il conserve de larges cicatrices et une profonde cavité. Knowles possède un beau profil droit. On ne distingue les stigmates de l'opération qu'en le regardant du côté gauche. Let me amplify, let me electrify these words of sorrow, let me rouse this requiem. Sing for the departed. We celebrate. s'il a survécu à un cancer, pense-t-il, rien ne lui est impossible à accomplir. Par la suite, il n'a donc jamais souffert du moindre manque de confiance en lui. This ain't a love song, just singing the blues, yeah. This ain't a romance, when you got nothing, you got nothing to lose. Yeah, such a little baby, but Lord, you're hard to find. You fuck with your body, Lord, don't mess with your mind, oh. Yeah, I used to sound the butt, baby, so deep. Please open your eyes before you die, just sleep. Boy, hold you for hours, lift up your weight, indulge your presence before it's too late. But like a neck, you was broken when the morning begins. Knowles et son nouveau partenaire, Brian McCartin, se retrouvent le lendemain au commissariat de North Hollywood. Ils ont beau avoir partagé les mêmes locaux à South Central et plus récemment à Homicide Special, ils se saluent sans la bonhomie qu'affichent beaucoup d'autres inspecteurs de la brigade. Les divergences de leurs histoires et de leurs caractères respectifs en font de simples connaissances, pas des amis. Knowles a toujours vécu dans la banlieue de San Fernando Valley. Hormis ses occasionnelles explosions de colère, il est d'un naturel plutôt discret, peu expansif. McCartin, avec sa silhouette mince et son teint rougeau, est un New-Yorkais un peu grossier. Il est infatigable. Il a rejoint la police de Los Angeles après avoir passé un an à la caserne des pompiers de Harlem. Bien que Knowles soit un inspecteur expérimenté, il garde plus ou moins le statut de nouveau venu dans le service. Âgé de 40 ans, McCartin a été affecté à Homicide Special 4 ans et demi plus tôt. Il est donc mieux intégré à la division des cambriolages et homicides et plus au fait de ses coutumes. Where's the fucking money, Keith? Dad, calm down. Listen to me. The money is not important here. You don't know what's important. You don't know what the hell you're talking about. Do you know what the hell I'm talking about? You just never listen to me. I'm not gonna go to college. The money is gone. You can't get it back. It's over. This whole dream is not what I wanted. It's what you wanted. I never wanted it. I just didn't have the guts to tell you. Are you only 18 years old, for Christ's sake? Then I'm 19, then I'm 20. When does my life belong to me? Look at what you left for me. Now that you moved on. Weekend ou pas, les deux inspecteurs portent leur sobre costume noir. Knowles résume l'affaire à McCartin, la mise sur écoute, les suspects éventuels et la manière dont Ao et Coffey sont probablement mis l'agent Amo à dos. « Et elle a un indique », dit Knowles. « Ben mon gars, dit McCartin, il va falloir qu'on la bichonne celle-là. Ces vieux bougres croient que Hoover est encore à la tête du FBI, mais les choses changent. » Don't you know that the work is empty? Well, baby, you're most divisive. Yeah, baby, you're the whole old friend. Girl, don't need those other things I'm yours. I never did, don't need to tell you what they're for. milieu des années 1990, McCartin a été affecté à une nouvelle force spéciale du FBI et de la LAPD, chargée d'enquêter sur des meurtres non résolus de South Central. Pour avoir pas mal travaillé avec eux, il en sait beaucoup plus sur le FBI que la majorité de ses collègues inspecteurs et préfère entretenir de bons rapports avec eux. We'll be right back. Dans la salle de réunion de North Hollywood, McCartin et Knowles passent en revue la pile de documents relatifs à la victime, la paperasse, les photographies. Luda était une femme superbe, avec ses cheveux blonds platine et ses yeux verts, elle n'a rien à voir avec le cliché de la prostituée moche et déglinguée. Sur une des photographies trouvées dans son appartement, on la voit en boîte de nuit avec un homme grassouillet, aux cheveux grisonnants. Les inspecteurs pensent qu'il s'agit de Misha, son vieux protecteur. Sur d'autres photographies, elle pose à Las Vegas aux côtés d'un homme inconnu où se dort la pilule en bikini au bord d'une piscine. Vous êtes toujours sur le 100 FM. À l'instant, on vient d'entendre Kelly Deal. C'était une des frangines des Pixies et qui avait fait aussi Breeders après, là, qui est sur un album solo. Et c'est justement une très bonne transition pour continuer avec notre rubrique récurrente sur l'histoire des Slits, les filles atypiques. Cette liberté et ce manque de pudeur, ou cet esprit de compétitivité féminine, si vous voulez, était d'une des raisons ayant fait que les Slits étaient à la fois devenus des modèles pour les filles et de redoutables émancipatrices pour les garçons. Et elles le sont restées jusqu'aujourd'hui. Elles n'essayaient pas de rivaliser avec les musiciens masculins ni n'essayaient d'user de leur charme féminin pour avancer. Toutes ces choses passaient par la fenêtre, bien qu'elles aient inspiré à vivre la chanson Typical Girls, qui deviendra leur premier single, un titre irrévérencieux, caustique et plein d'esprit. Don't rebel, eventual change. Don't die. comme la scène de Londres commençait à faire boule de neige, les filles n'avaient aucun problème à obtenir de plus en plus de public, mais en schématisant, la lumière au bout du tunnel avait toujours l'air plutôt faible. Robertson, je me rappelle avoir vu jouer Loudon Wainwright. Ce n'était pas mon genre de musique, mais ce qui m'a choqué était tous ces étudiants hippies aux cheveux longs assis par terre. J'étais issu du milieu de la Northern Soul et je n'arrivais pas à croire que des gens puissent aller à un concert et rester assis. Je me suis dit que c'était vraiment la mort de la musique. Le punk se développait, mais le milieu des 70s demeurait inondé de chanteurs-compositeurs trimballant leur guitare acoustique, aussi bien que de groupes de rock et de heavy metal d'outre-Atlantique jouant dans des stades. Ce qui était très bien pour jouer de l'air guitare, et personne ne nie que c'est une quête noble, mais si vous vouliez danser, eh bien il fallait en vouloir.